Je ne suis pas portoricain, je ne suis pas états-unien, c'est ma nationalité. Je ne suis pas végétarien, je ne suis pas carnivorien, je ne suis pas insectivore, c'est mon alimentalité. Un peu de tout. Du genre humain, et ça c'est quelque chose qui dérange. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas hérétique, c'est ma religiosité. Je ne suis pas trisexuel, je ne suis pas libidineux, je ne suis pas haltérophile, c'est ma sexualité. Un peu de tout, un peu de rien. Ça, c'est quelque chose qui dérange. Je ne suis pas royaliste. Je ne suis pas capitaliste. Je ne suis pas communiste, c'est ma politicité. Je ne suis pas déplumé, je ne suis pas décoiffé, je ne suis pas décoloré, c'est ma capillarité. Un peu de tout, un peu de rien, on est plutôt. Et ça, c'est quelque chose qui dérange. You.